Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette Eman. Dai 13 wa. On dit que l'amour peut rebâtir le monde. Alors tout est possible. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est assez dangereux. J'en ai la conviction. De son vivant, un être humain peut devenir un fantôme. Et si tu la voyais de tes yeux, tu crois que tu la reconnaîtrais? Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Treizième épisode. Elle va peut-être revenir. Je voudrais qu'elle revienne. On dirait que tu n'as pas assez dormi, mon petit Kafka. Je voudrais vous demander quelque chose, Oshima-san. Vas-y. J'aimerais écouter la chanson écrite par Mademoiselle Saiki, Kafka sur le rivage. Pourriez-vous trouver le 45 tours? Tu préfères pas un CD? J'aimerais mieux un micro-sillon. Je voudrais l'écouter avec le son d'origine. Nous avons un appareil pour l'écouter, mais il n'est pas sûr que nous puissions trouver un exemplaire du 45 tours de Kafka sur le rivage. C'est devenu une rareté. Je demanderai à ma mère si elle en a gardé un exemplaire. Je te l'ai déjà dit, mais surtout ne mets pas ce morceau quand Mademoiselle Saiki est là. Quoi qu'il arrive. C'est bien clair? Oui. Et tu te risques à poser la question qui te brûle les lèvres. Dites, Oshima-san, je voulais vous demander, est-ce qu'une fille d'une quinzaine d'années fréquente cet endroit? Cet endroit, tu veux dire la bibliothèque? Oui. Pas que je sache. Il n'y a pas de fille de 15 ans par ici, du moins à ma connaissance. Pourquoi cette énigmatique question? J'ai cru apercevoir une fille de mon âge l'autre jour. Quand ça, l'autre jour? Hier soir. Hier soir, tu as vu une jeune fille ici? Oui. Comment était-elle? Non seulement elle a un visage sublime, mais tout en elle est trop parfait pour qu'elle soit réelle. Je sais pas. Une fille comme les autres, avec des cheveux jusqu'aux épaules, et une robe bleue. Elle était jolie? On la croirait sortie d'un rêve. Et c'était peut-être une hallucination née de tes fantasmes. Le monde est plein de phénomènes étranges. Des visions de ce genre n'ont rien d'anormal de la part d'un hétéro en pleine force de l'âge. Elle va peut-être revenir. Je voudrais qu'elle revienne. Ces nouilles sont délicieuses. Tant mieux. Alors, papy, on est au bon endroit? Oui, monsieur Oshino. Il me semble que l'endroit est le bon. Nakata en a l'impression. Le bon endroit. C'est déjà ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que je trouve la pierre de l'entrée. La pierre de l'entrée? Oui. Encore une longue histoire, je suppose. Oui, c'est une longue histoire. Tellement longue que Nakata n'y comprend rien. En fait, je pense qu'on comprendra quand on y sera. Comme d'habitude. Tout à fait, tout à fait. On comprendra pas avant. Non, tant qu'on n'y est pas, Nakata ne comprend rien du tout. Oui, enfin, bref. Franchement, les longues histoires, c'est pas mon truc non plus. Alors, il faut trouver cette pierre de l'entrée maintenant, c'est ça? Oui. Tout à fait. Et dans quel coin se trouve? Nakata n'en a pas la moindre idée. J'aurais pas dû poser cette question. Je suis dans ma chambre. Je sors le disque de l'enveloppe. J'examine la pochette. On y voit une photo de Mademoiselle Saichi à 19 ans. Elle est assise devant le piano du studio d'enregistrement et regarde droit vers l'objectif. Elle est vêtue d'une courte robe bleu pâle, évasée. Une paire de magnifiques sandales est jetée au pied du tabouret du piano. Et les jolis pieds de Mademoiselle Saichi sont nus. Une naïveté, une innocence intemporelle et vulnérable flotte autour d'elle. Sur cette photo, le temps est arrêté. 1969. C'était bien avant ta naissance. Naturellement, tu savais que l'adolescente qui avait visité cette chambre hier soir n'était autre que Mademoiselle Saichi. Je l'ai toujours su. Je voulais juste le vérifier. La femme d'aujourd'hui a conservé cette même physionomie, cette étrange aura. Je vois dans ses expressions et ses gestes la jeune fille qu'elle était à 15 et à 19 ans. Cependant, la photo de la pochette du disque a gardé une trace d'une chose que la femme mûre a définitivement perdue. Une sorte de jaillissement d'énergie. L'éclat de cette force illumine la jeune fille assise devant le piano. La vraie Mademoiselle Saichi est bien vivante. C'est une femme de plus de 50 ans qui mène une vie réelle dans un monde réel. En ce moment même, elle doit être en train de travailler à son bureau, au premier étage, comme d'habitude. Il te suffit de quitter cette pièce et de monter l'escalier et tu la verras. Et pourtant, la jeune fille que j'ai vue ici est son fantôme. Personne n'a le don d'ubiquité, a dit Oshima. Pourtant, dans certains cas, cela se produit. J'en ai la conviction. De son vivant, un être humain peut devenir un fantôme. L'autre fait important et incontestable, c'est que tu es attiré par ce fantôme. Je suis attiré non par Mademoiselle Saichi, mais par le fantôme de celle qu'elle était à 15 ans. Si cette adolescente n'est pas un être réel, c'est pourtant mon cœur réel qui bat si fort dans ma poitrine. Tout comme était réel le sang sur ta poitrine ce soir-là. Tout comme était réel le sang sur ma poitrine. Bon, alors maintenant qu'on est arrivé à Takamatsu, qu'est-ce que tu as l'intention de faire, papy ? Je ne sais pas. Nakata ne sait pas trop quoi faire. On n'était pas censé trouver la pierre de l'entrée ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Nakata avait complètement oublié. Il faut trouver la pierre, mais Nakata n'a aucune idée d'où elle se trouve. Enfin bon, rester ici à se regarder en chien de faïence, ça ne mène nulle part. Comme vous dites. À mon avis, ce serait bien de se renseigner un peu. Demander aux gens du coin s'ils n'ont pas entendu parler d'une pierre particulière, par exemple. Tu n'aurais pas une idée, même vague, d'à quoi ressemble cette pierre ? Sa taille, sa forme, sa couleur ? Ou bien à quoi elle sert exactement ? Si on demande simplement aux gens, il n'y aurait pas une pierre de l'entrée dans le coin, on va passer pour des fous, non ? Oui, Nakata est idiot, mais il n'est pas fou. C'est juste... La pierre que cherche Nakata est spéciale. Elle est blanche, pas très grande et n'a pas d'odeur particulière. Je ne sais pas à quoi elle sert. Elle est ronde comme un gâteau de riz, à peu près de cette taille. Et si tu la voyais de tes yeux, tu crois que tu la reconnaîtrais ? Oui, Nakata reconnaîtra la pierre tout de suite. Il y a peut-être une légende concernant son origine ? Ou une tradition qui lui est associée. Il pourrait s'agir d'une pierre célèbre de la région, exposée dans un sanctuaire, par exemple. Je me demande. Nakata ne sait pas trop, mais c'est une possibilité. Ou alors, elle pourrait être dans une maison, où on l'utiliserait comme mortier. Non, ça, ce n'est pas possible. Comment tu le sais ? Parce que cette pierre ne se laisse pas déplacer par n'importe qui. Mais Nakata, lui, pourra la faire bouger ? Oui, Nakata le pourra sans aucun doute. Et qu'est-ce qui se passe quand on la déplace ? Je ne sais pas trop. Tout ce que Nakata sait, c'est qu'il faut que quelqu'un la déplace très bientôt. Et ce quelqu'un, ce serait Nakata ? Oui, exactement. Tout de même, Nakata, tu crois pas que ça peut être dangereux de déplacer une pierre aussi spéciale, comme ça, sans permission ? En effet, monsieur Oshino. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est assez dangereux. Manquez plus que ça. Nous voilà en plein Indiana Jones maintenant. Les doigts de la jeune noyée cherchent les pierres de l'entrée. Levant sa robe bleu nuage, elle voit Kafka sur le rivage. Oshima-san, c'est un peu bizarre comme question, mais est-ce qu'il peut arriver qu'une personne devienne un fantôme de son vivant ? C'est une question très intéressante. En partant du principe que les fantômes existent réellement. Oui. On les appelle les esprits vivants. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais au Japon, ce genre de phénomène est fréquemment évoqué dans la littérature. On avait l'impression que le véritable Nakata était parti en voyage, ne laissant que son corps, telle une enveloppe provisoirement vide. À l'ère Heian, ou en tout cas dans le monde mental de cette époque, les gens pouvaient se transformer, dans certains cas, en esprit vivant. Comme s'il avait réduit ses activités vitales au minimum, pendant que sa personne elle-même était partie ailleurs pour vaquer à d'autres occupations. Ils avaient alors le pouvoir de se déplacer dans l'espace et d'accomplir ce qu'ils souhaitaient. L'âme se sépare momentanément du corps, parcourt 1000 lieues, ce qui signifie qu'elle se rend dans un endroit lointain où elle accomplit une importante mission avant de réintégrer le corps. Et je pense qu'il peut y avoir des exemples de gens qui se sont transformés en esprits vivants par amour. On dit que l'amour peut rebâtir le monde. Alors tout est possible. Dites, Oshima-san, vous êtes déjà tombé amoureux ? Allons bon, de quoi penses-tu que je sois fait ? Je ne suis pas une méduse ni un bâton de genévrier, je suis un être de chair et d'os. Évidemment que je suis déjà tombé amoureux. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais bien. Les doigts de la jeune noyée, les doigts de la jeune noyée cherchent la pierre de l'entrée, cherchent la pierre de l'entrée. Le vent s'arrobe bleu nuage, le vent s'arrobe bleu nuage. Elle voit Kafka sur le rivage, elle voit Kafka sur le rivage. Une pierre. Mais elle ressemble à quoi, votre pierre ? Elle est grande comme ça. Et elle s'appelle la pierre de l'entrée. Je pense qu'elle est assez connue. Mais de quelle entrée s'agit-il ? Et si on savait, ce serait plus simple. Je suis désolée, personne n'a entendu parler d'une telle pierre. Pardonnez mon indiscrétion, mais vous êtes venu de loin exprès pour voir cette pierre ? Ouais. Exprès ou pas, en tout cas, moi je suis venu de Nagoya, et le papy, là, il a fait un sacré bout de chemin. Il vient de l'arrondissement de Nakano, à Tokyo. Oui, Nakata est venu de Nakano. Si personne connaît cette pierre, on n'y peut rien. C'est pas de votre faute. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Une jeune provinciale timide s'assied devant son piano et compose une chanson dédiée à son ami parti au loin. Mademoiselle Saiki a sans doute composé ce morceau dans la pièce où je me trouve en ce moment. Je suis sûr que Kafka sur le rivage est l'adolescent qui figure sur la peinture à l'huile accrochée au mur. Mm-hmm. examine de plus près le tableau. Les yeux du jeune homme, fixés au loin, ont une profondeur énigmatique. Il regarde un coin du ciel où sont peints quelques nuages aux contours nets. Le plus gros a un peu la forme d'un sphinx couché. Le sphinx, comme dans la tragédie d'Édipe. Quand le cercle du cœur se referme, l'ombre du sphinx en couteau se transforme. Immobile, il transperce les rêves. Bien avant que la nuit ne s'achève. Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Les doigts de la jeune noyée cherchent la pierre de l'entrée. Levant sa robe bleu nuage, vois Kafka sur le rivage. Tu en es absolument sûr maintenant. C'est ici qu'elle a écrit cette chanson. Kafka au bord de la mer, chaise longue sur le rivage. Kafka au bord de la mer. Et ce nom de Kafka, ce n'est pas ton vrai nom. Je devine que Mademoiselle Saiki a fait le lien entre la mystérieuse solitude qui flotte autour du jeune homme du tableau et l'univers des romans de Kafka. Kafka sur le rivage. Kafka, une âme solitaire errant le long d'un rivage absurde battu par les flots. Il n'y a pas que le nom de Kafka et l'énigme du sphinx qui te font penser à ta propre histoire. Plusieurs couplets de la chanson s'appliquent exactement à ta situation. Tu es assis au bord du monde. Je suis dans un cratère éteint. Je suis dans un cratère éteint. Et près de la porte dans l'ombre, sont des mots sans début ni fin. Et près de la porte dans l'ombre, sont des mots sans début ni fin. Du ciel, des petits poissons tombent en pluie. Derrière la ville, il y a des soldats. Sans pas de passer ta vie à trépas. N'est-ce pas exactement ce qui est arrivé? Quand les maquereaux et les sardines se sont mis à pleuvoir au-dessus des rues commerçantes de Nakano? Sur le rivage. corps du sphinx en couteau se transforme. Immobile, il transperce les rêves. On dirait une allusion à la mort de ton père. On dirait une allusion à la mort de mon père. Tout cela a-t-il une signification ? Ou bien s'agit-il de simples coïncidences ? Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlan. Adaptation Juliette Heyman. 13e épisode. Avec Igor Manjiski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Jonathan Cohen, Oshino, Juliette Plumcock-Mesh, Oshima. Et les voix de Arthur Ribaud, Philippe Magnan, Sandrine Lebert, Anne Alvaro, René Farabet. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Chant, Odja Lorca. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissans. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefonds. Thank you.